Qu'est-ce que tu veux faire, hein? Je lui ai fait deux patrons, mais c'est pas de rigolo. Hein. Qui c'était? Ben, Léon Mougeot et Charles Lénin. Ah oui. Pourquoi ils étaient. Ils étaient durs? Ben, plus qu'ils étaient durs. On leur tapait pas si loin, ça. Ils payaient mal? J'aime bien savoir lequel outil qui a été bien payé. Ah oui. Hein? Mais eux-mêmes, vous avez l'impression qu'ils vivaient mieux que les ouvriers? Pareil. Ah, non, non, non. Pas mieux, pas du tout. Ah non. Tout le monde était comme ça. À part les choses étaient encore tout. Non. C'est bon.